que on a tous une mission, mes frères et sœurs. Ça, il faut en être certain. Il n'y a pas de petite vie. Il n'y a pas de petite existence. Il n'y a pas de petite mission. Comme je le dis toujours, en fait, même un grabataire sur un lit d'hôpital mourant, alors qu'on a l'impression que de l'extérieur, à quoi il sert, machin, le vieux, le... Il sert à plein de choses, quoi. Parce que selon... Soit il se révolte, alors là, on sait qui il sert, l'ennemi, le démon. Mais s'il abandonne son état, si on abandonne sa vie, quelle qu'elle soit, vraiment, à Dieu, avec amour, et par amour pour nos frères et sœurs, mais c'est énorme, la mission est énorme. Et d'ailleurs, au passage, maintenant que je suis là, plâtrée, et que j'ai abandonné ma situation au Seigneur, en disant, Seigneur, tu vas rebondir là-dessus, je te demande de rebondir sur cette épreuve, quoi. En plus, avec ma mère seule, l'horreur, quoi. Et ben, pour me faire cheminer encore plus. Et donc, du coup, oui, je voudrais annoncer vraiment un message aux vieux, comme on dit, aux personnes âgées. Bref, à ceux qui pensent que leur vie ne représente rien. Les personnes âgées qui souvent ont perdu des enfants, des époux, des frères, des sœurs, qui étaient considérés par leurs enfants, leurs petits-enfants, tant qu'ils avaient encore un peu toute leur tête ou tant qu'ils avaient encore un peu de fric. Mais à un moment donné, plus on vieillit, plus on souffre, moins on est attirant pour les autres. Et puis... Je pense qu'aussi, plus on est fauché, parce que le grand-père, on aime bien lui faire offrir des petits trucs et tout ça. Ben, je voudrais dire vraiment aux personnes âgées, en fait, que la retraite avec Dieu, ça n'existe pas. Et que il faut pas qu'ils pensent, qu'ils se disent à quoi je sers, je suis plus bon à rien, plus personne me regarde, et pourquoi pas même se révolter, quoi. Mais en fait, d'abord... Les malheurs, la souffrance, la mort ne viennent pas de Dieu, mais du démon. Dieu, il pleure quand on pleure, il souffre quand on souffre. Ça, c'est très important de le savoir. Mais se dire que les personnes âgées, celles qui sont handicapées, en fait, elles ont une super mission, parce que de par leur état de disponibilité, parce que quand on est jeune, on est un peu pris dans le tourment de la vie active, de par leur disponibilité liée à leur état, encore une fois qui vient du démon, parce que Dieu nous a créés par amour pour la vie éternelle, et pour pas être malade et pour pas être estropié ou sur un lit d'hôpital, de par leur disponibilité, ils représentent l'armée de Dieu, parce qu'ils ont du temps. Et ça, c'est énorme. Si les vieux, les handicapés, se rendaient compte combien le Seigneur compte sur eux, ben, ils quitteraient leur manteau de tristesse pour avoir un cœur comme un jeune cerf effarouché, gambadant, heureux, léger, quoi. Parce que il faut bien savoir que la prière est une arme plus que blanche. C'est une arme énorme, une arme qui transfigure. C'est vraiment, tout vient de Dieu, mais la prière est une espèce de véhicule qui permet à la volonté de Dieu de passer, de s'accomplir sur terre et de faire des miracles.